sonné. Loin d'une autre vie, d'un autre effort, tout contre toi jusqu'à l'aurore. Et même si tu restes loin de moi, je t'aimerai encore. Et même si tu restes loin de moi, je t'aimerai. Passe contre toi, les mots qui se placent.